Baqiya, est-ce que Al-Afdal c'est Al-Siyam Amla? Fal-Ulama akhtalafu fi hada. Famin al-A'imma, man qal al-Fitr il est Afdal. Donc, manger c'est Afdal. Et tu profites de Rukhsa. Et ça c'est Marwi an Ibn Abbas ou Ibn Umar. Et c'est Qawl Sa'id ibn al-Musayyib, ou l'imam al-Sha'bi ou l'Awza'i, ou l'imam Ahmed, ou Ishaq et d'autres. حجتهم سقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Donc عندهم le mieux c'est de profiter de la rukhsa. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité, le mieux c'est de profiter. Donc pour eux al-afdal c'est l'iftar ala kulli hal. Le mieux c'est que tu manges, même si c'est pas, même s'il y a pas de difficulté, même si c'est un safar très court, tu manges. كذلك احتجوا ب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. Donc ils ont démontré أن الأفضل c'est de manger. كذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. Donc Allah سبحانه وتعالى il aime qu'on profite des facilités qu'il nous a données. الحديث أخرجه الإمام أحمد et السند il est ثابت. Un autre قول أن الصوم c'est أفضل. Bien sûr, pour celui qui a la capacité. Et ça, c'est qawl jumhur, ahl al-ilm, et c'est sahih. Donc, pour eux, al-afdal, c'est as-siyam. Pourquoi? Parce que tu es dans une période qu'il faut jeûner, aslan. Lakin, si tu peux pas, ou si c'est difficile, ou si tu as besoin de force, mit le cas des mujahideen, fi sabilillah. Il a un travail, il a besoin de bouger, il a besoin de beaucoup de choses, il fait chaud, etc. Il n'y a aucun doute que l'afdal, c'est l'iftar. Donc, s'il n'y a pas de difficulté, le mieux, c'est l'asiyah. Ça, c'est qawl jumhur, ahl al-ilm. Et c'est qawl Abi Hanifa, qawl Ibn Malik, qawl al-imam al-Shafi'i. Et ils se sont basés sur les hadiths qu'on a vus dans notre chapitre. حديث عائشة في قصة حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il lui a donné le choix. ثم des autres أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم quand il a vu cette personne qui a perdu connaissance il a dit ليس من البر الصيام في السفر. Ça montre que c'est pas bien de jeûner s'il y a une difficulté. Je comprends dans le hadith que s'il n'y a pas de difficulté, c'est afdal. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le siyam. Abdullah ibn Rawaha, كذلك, il a fait le siyam. كذلك, on a des adil am. قول الله عز وجل, فاستبقوا الخيرات. Et précipitez-vous à faire le bien. كذلك, وسارعوا الى مغفرة ربكم. Aussi, il faut savoir faire le siyam pendant Ramadan avec les musulmans, c'est plus simple. Mais si tu voyages une semaine, tu as la capacité de jeûner, il n'y a aucune difficulté. Et tu manges, rattraper cette semaine, ça peut être difficile. Tu peux repousser, tu es tout seul. C'est pas comme quand tu fais siyam avec al-muslimin. Kadhalik, tu pourras profiter, si tu as fait ton siyam, même en étant voyageur, tu pourras profiter, si tu es motivé, au lieu de rattraper des jours, de faire siyam al-nafl. Lundi, jeudi, ou trois jours par mois. Tu auras plus de force pour faire al-nafila et tu seras à la khayr. Ala kulli hal, kama fi hadith Anas, celui qui jeûne. On le critique pas. Et celui qui mange, on le critique pas. Al-Amr, il est wasi' pour le musafir. Lakin, cette mas'ala, c'est min hayth al-afdal. Amma tous les adillah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, laysa min al-bir al-siyam fi al-safar, ou il a conseillé de ne pas jeûner, c'est pour la mashaqqa, comme on a vu dans les hadiths, il faisait chaud, etc.